Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, l'affaire Gouzenko. Igor Gouzenko, l'homme qui a déclenché en 1945 la plus importante affaire d'espionnage de l'histoire canadienne, est mort. Selon un ami, le célèbre transfuge est mort hier à Toronto d'un arrêt cardiaque. Il a déjà été inhumé. L'annonce de la mort d'Igor Gouzenko par Bernard de Rome en juin 1982 ferme en quelque sorte le chapitre peut-être le plus marquant de ce qu'aura été la guerre froide au Canada. Quand Igor Gouzenko, qui est diplomate à l'ambassade soviétique à Ottawa, décide de passer à l'Ouest le 5 septembre 1945 en disant détenir la preuve d'un réseau d'espionnage soviétique au Canada, il plonge le gouvernement fédéral dans l'embarras. Ottawa, qui ne sait d'abord pas trop quoi faire de lui, mettra d'ailleurs quelques jours avant de lui accorder l'asile politique. Je pense que l'affaire Gouzenko, les autres affaires qui se sont développées par la suite au Canada et aux États-Unis, surtout aux États-Unis, ont créé une psychose de crainte d'être espionné. On voyait des espions partout, et c'est pas pour rien, n'est-ce pas, que McCarthy, le sénateur McCarthy aux États-Unis, a connu une carrière assez flamboyante pendant un certain temps, en dénonçant des complots à tous les niveaux de l'administration américaine. On a vécu dans un climat de crainte, d'appréhension des activités d'espionnage de la part des Soviétiques. Le directeur du Devoir, Gérard Filion, qui rappelle à l'émission Le troisième quart de siècle en 1975, ce climat de suspicion qui régnait à l'époque de la guerre froide. L'un des épisodes, je vous le disais il y a un instant, l'un des épisodes les plus marquants de cette guerre froide au Canada, c'est celui de la défection d'Igor Gouzenko le 5 septembre 1945. Pour nous en parler, l'historien Frédéric Bastien, professeur au Collège Dawson, auteur entre autres de La bataille de Londres, Dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel, publié chez Boréal en 2013. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on dit que cette affaire Gouzenko, elle a été importante dans ce qu'a été le début de la guerre froide. De quelle manière? Est-ce que ça a vraiment été important d'abord? Oui, je pense que ça a été très important. Je pense que si, on en aurait encore plus parlé si une affaire comme ça s'était produite en Grande-Bretagne, oui, aux États-Unis. Et je pense que à l'extérieur du Canada, chez les historiens, donc, qui sont pas canadiens, les historiens de la guerre froide, on a tendance, avec le recul, à peut-être prendre ça un peu moins, moins bien mesurer l'ampleur, l'importance qu'a eu cette affaire-là. Je pense que c'est lié au fait que le Canada n'était pas une des grandes puissances, mais c'était une affaire d'espionnage extrêmement importante. Et c'est très significatif et représentatif de ce que ça va être, cette mécanique de guerre froide, au fond. Oui, absolument. Ouais. Les réseaux d'espionnage soviétiques étaient très étendus dans les pays occidentaux à cause des sympathisants communistes, n'est-ce pas? Et donc, on découvre, grâce à la défection de ce diplomate russe, donc qui était chiffreur à l'ambassade soviétique, qui a un réseau d'espionnage soviétique au Canada, ouais, qui est en opération et qui a aussi des ramifications aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Alors, un mot sur son parcours. Il est donc chiffreur à l'ambassade soviétique. Qui est-il, Igor Gouzenko? Igor Gouzenko, c'est un produit de la révolution communiste en Union soviétique. Il est né tout juste après la révolution, en 1921, si ma mémoire est bonne. Et donc, il grandit encadré dans l'éducation communiste à l'époque la plus totalitaire de l'Union soviétique. Et c'est une éducation aussi, c'est du lavage de cerveau. Mm-hmm. Alors, la figure de Staline est déifiée. Il y a ce grand leader, le grand chef Staline, Et donc, il y a Lénine avant lui, mm-hmm, et tout ça. Alors, évidemment, il n'y a aucun autre point de vue. Donc, c'est quelqu'un qui est un produit pur d'une éducation vraiment dont le but est de laver le cerveau, oui, des gens. Donc, c'est un bon serviteur de ce grand État soviétique quand il arrive à Ottawa, au fond. Exactement. Il s'est enrôlé dans l'armée et après ça, on lui propose de s'engager donc comme chiffreur à l'ambassade soviétique à Ottawa, qui ouvre en 1942. Canada et l'URSS nouent des relations diplomatiques durant la guerre, puisque évidemment, les deux pays coopèrent ensemble, mm-hmm, en lutte contre l'Allemagne nazie. Donc voilà, il arrive ici et là, il découvre l'Ouest, au fond. C'est la découverte de l'Ouest pour Gouzenko. Alors, notamment, il va être ici quelques mois avant sa défection. Il y a une élection fédérale qui a lieu en 1945. Et là, il découvre comment ça se passe, les politiciens qui discutent, qui, mm-hmm, se lancent des attaques verbales, mais il n'y a pas de violence, il y a la liberté de presse, les gens votent pour choisir leurs décideurs, leur gouvernement. Ils voient la sincérité des Canadiens dans leur effort pour aider l'URSS, etc. Au fond, ils découvrent, et ça va être important pour la suite, que ce pays qu'il habite maintenant, le Canada, n'a rien à voir avec la représentation qu'en faisaient les Soviétiques quand il était encore en URSS. Ce qui fait que le 5 septembre 1945, il va décider de passer à l'Ouest. Ça va faire partie de sa réflexion. Il quitte l'ambassade soviétique. Une centaine de documents en sa possession. On écoute, parce que c'est intéressant pour la suite, pour les motifs derrière sa défection, on écoute la lecture d'une partie de sa déposition, de la déposition d'Igor Gouzenko aux autorités canadiennes au moment de sa défection. Je, Igor Gouzenko, désire faire librement la déclaration suivante. Arrivé au Canada depuis 2 ans, je fus étonné dès les premiers jours de constater qu'au Canada, il existait une complète liberté individuelle inconnue en Russie. Tout en proférant avec volubilité aux conférences internationales des déclarations au sujet de la paix et de la sécurité, le gouvernement soviétique se prépare en même temps secrètement à la Troisième Guerre mondiale. Pour un grand nombre de Russes, ici, à l'étranger, il est évident que le Parti communiste dans les pays démocratiques s'est depuis longtemps transformé de parti politique qu'il était, en une agence du gouvernement soviétique, en une cinquième colonne dans ces pays en vue d'une guerre. Alors ça, c'est très intéressant, Frédéric Bastien, parce qu'au fond, comme vous nous le disiez, dans sa déposition, il dit « je découvre un pays où la liberté existe », mais plus que ça, c'est un homme en colère, en fait, qui fait défection, qui arrive avec sa petite bombe en disant « attention, là, c'est le pays est infesté », c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, il y a tout un réseau, là, soyez lucides, d'espions à la solde de l'URSS, chez vous. Qu'est-ce qui fait qu'il décide de passer à l'Ouest? Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est le fruit d'une réflexion et probablement qu'il a senti qu'il avait une opportunité parce que, en tant que chiffreur, c'est une position névralgique puisqu'il doit coder les messages secrets envoyés de l'ambassade soviétique. Tous les pays font ça. Code les messages pour pas qu'on les détecte, n'est-ce pas? Quand ils sont interceptés, qu'on puisse pas comprendre de quoi il s'agit. Et ils sont décodés de l'autre côté. Il y a des messages de Moscou envoyés à l'ambassade soviétique à Ottawa. Et c'est là que Gouzenko doit coder les messages. Mm-hmm. Et donc, il par le fait même, il est informé du fait de ce réseau d'espionnage, de ce dans l'extrait qu'on entendait. Donc, il sait très bien qu'il y a plusieurs sympathisants communistes au Canada, comme ailleurs dans les autres démocraties occidentales, qui sont prêtes, au fond, à trahir leur pays pour aider la cause du communisme international et la cause, en fait, de l'URSS, de Staline. Et donc, je pense qu'il est... Il est dégoûté de ça et... On le sent, en tout cas, dans cet extrait de déposition. Cette espèce de dégoût, hein, c'est ça. Ça aurait fait partie de sa décision. Ben, absolument. C'est un jeune adulte. Imaginez, Jacques, que vous découvrez tout d'un coup, à l'âge de 20, 22 ans, que tout ce que vous avez appris depuis l'âge de 6, 7 ans à l'école, tout ce qu'on vous a appris, tout ça, c'est du mensonge, que les grands discours, c'est la propagande, que... Et là, vous découvrez c'est quoi un vrai pays libre qu'on vous a dépeint comme des pays impérialistes, capitalistes, exploiteurs du pauvre peuple prolétarien, etc. Eh bien, c'est un choc qui arrive, qui se produit pour lui. Ouais. Alors, donc, comment ça va se passer, cette fameuse journée pour lui, cette fameuse journée du 5 septembre 1945? Tout ça est un peu rocambolesque, en fait. Alors, tout simplement, il remplit la valise de messages compromettants, là, de documents compromettants, je devrais dire. Et puis, il part de l'ambassade, il se rend à un journal d'Ottawa et il dit, voilà, moi, je suis... Gouzenko, je travaille à l'ambassade soviétique et j'ai la preuve ici avec moi, avec mes documents, qu'il y a un réseau d'espionnage qui est mené par l'URSS au Canada et ailleurs. Et là, il veut donner l'histoire à ce journal. Et eux, ils trouvent ça là vraiment trop gros. Là. Ils sont vraiment pris de court avec tout ça. Et ils l'ont surpris, c'est oui, qui c'est surpris. Oui, c'est quand ils savent pas trop c'est qui. Il parle un anglais approximatif, je pense. Oui, c'est ça. Alors son anglais est pas très, il parle pas couramment anglais, donc voilà. Alors ils savent pas trop quoi faire. Et finalement, il se ramasse d'abord au ministre de la Justice. Il l'envoie chez le ministre de la Justice, Louis Saint-Laurent, qui prend pas ça très au sérieux. En fait, il y a personne au gouvernement. Qui prend cette affaire-là au tout début, dois-je dire, au tout début, on ne prend pas ça très au sérieux. Et je dirais même que l'exemple vient d'en haut, Mackenzie King qui est vieillissant à l'époque, là, si je me souviens bien, il était autour de 70 ans, il était longtemps au pouvoir. Mackenzie King est fatigué, il était déjà fatigué avant la Deuxième Guerre mondiale et il avait décidé de rester parce qu'il pensait qu'il était le meilleur chef pour la Deuxième Guerre mondiale. Bref, Alors là, King se demande si c'est sérieux ou pas, puis c'est surtout que tout ça va entraîner une confrontation avec l'URSS. Ouais. S'il accepte, si c'est vrai, enfin bref, défier l'URSS en 1945... On n'a pas trop le goût de ça à Ottawa. Non. En plus, ça va plutôt bien, les relations diplomatiques exactement. Avec donc, l'URSS. Depuis 1942, ça va bien, les deux pays coopèrent, donc voilà. Donc, scepticisme, ça c'est certain, au début, quand il débarque, d'abord dans le journal, puis ensuite qu'il essaie de rencontrer quelqu'un des autorités fédérales. Là-dessus, écoutez, l'extrait qui suit, c'est absolument savoureux. Fernande Coulson, qui est secrétaire à ce moment-là du procureur de la Couronne, et qui le voit débarquer, donc, dans son bureau, le brave Gouzenko, extrait de l'émission Le Point, en 1985. Alors, j'ai téléphoné à l'inspecteur Léopold. L'inspecteur Léopold, qui était en charge de la section anti-subversive de la police fédérale. Je le connaissais bien à cause de mon travail. Quand je lui ai dit qui j'avais dans le bureau, il le savait. Il en avait entendu parler, mais il m'a dit on peut pas lui aider. Je l'ai convaincu finalement. Il faut absolument que tu le vois. Il faut que quelqu'un lui aide à cet homme-là. Parce que ce qu'il dit qu'il a entre les mains, je le crois. Il faut absolument que tu le vois. Alors finalement, il a cédé. Il dit, OK, je le verrai demain matin à 9h30 à mon bureau. Alors, il est sorti de mon bureau avec sa femme. Puis à ce moment-là, on avait encore les tramways à Ottawa. On n'avait pas d'autobus, c'était des tramways. Puis il y avait un arrêt au coin de Nicolas et Daly. Et de la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir le coin très, très, très bien. Alors, ils sont sortis tous les deux, puis ils sont allés sur le coin. Je suis restée dans la fenêtre pour le regarder partir, parce que je me suis dit, demain matin, ils vont être morts. Alors, il ne mourra pas, Igor Gouzenko, Frédéric Bastien, mais c'est vrai que ces quelques heures vont être cruciales et sa vie est carrément en danger, là. Ah oui, ça fait aucun doute que sa vie était en danger. Staline avait le bras très long. Il avait fait assassiner Trotsky au Mexique, en 1940. Bref, et justement, donc, il va avoir la très bonne idée de ne pas coucher chez lui ce soir-là. Il va plutôt aller chez des voisins chez qui il va chercher refuge avec sa femme et son enfant. Et comme de fait, durant la nuit, il y a des Russes, des espèces d'agents de sécurité russes de l'ambassade qui vont cambrioler, entrer par effraction, devrais-je dire, dans sa maison. Parce qu'ils sont conscients, les Soviétiques, de l'importance qu'a cette défection, des documents avec lesquels est parti Gouzenko. Justement, sur cet épisode, cette visite nocturne, c'est assez savoureux également, un petit extrait, la lecture en fait, parce que Moscou, par l'entremise de l'ambassade soviétique, va prévenir Ottawa, on le veut, aidez-nous à l'attraper. Lecture de la note que fait parvenir l'ambassade soviétique au ministère des Affaires extérieures le 7 septembre 1945, de manière d'excuse en même temps, parce qu'ils sont rentrés pratiquement par effraction, vous allez voir. L'ambassade de l'URSS présente ses compliments et a l'honneur d'informer le ministère des Affaires extérieures de ce qui suit. Un collègue de l'ambassade, Igor Gouzenko, demeurant au 511 rue Somerset, a fait défaut de se présenter pour le travail à l'heure appropriée, le 6 septembre. À ce sujet, et en vue de mettre au clair les raisons du défaut de Igor Gouzenko de se présenter pour son travail, le consul Pavlov et deux autres collègues de l'ambassade visitèrent l'appartement de Gouzenko à 11h30 du soir, le 6 septembre. Lorsque M. Pavlov frappa à la porte de l'appartement de Gouzenko, personne ne répondit. Après quoi, l'appartement fut ouvert par les collègues sudis de l'ambassade au moyen de la réplique de la clé de Gouzenko et il fut constaté que ni Gouzenko, ni sa femme, ni leur fils n'étaient dans l'appartement. Il fut établi plus tard que Igor Gouzenko avait volé de l'argent appartenant à l'ambassade et s'était caché, lui et sa famille. L'ambassade de l'URSS demande au ministère des Affaires extérieures de prendre d'urgence des mesures pour que Igor Gouzenko soit recherché, appréhendé et livré pour déportation à titre de grand criminel qui a volé de l'argent appartenant à l'ambassade. Alors, Moscou, Frédéric Bastien demande l'aide d'Ottawa pour retrouver Gouzenko. Ottawa va hésiter un peu. La vie de Gouzenko va être en danger pendant quelques heures, pendant presque deux jours. Mais finalement, on va décider de lui accorder l'asile politique. Qu'est-ce qui fait que finalement, on va changer d'idée? On va se dire, oui, c'est sérieux, il faut lui accorder l'asile. Oui, alors, c'est ces petits événements, parfois, qui peuvent changer le cours d'histoire, ce qu'on pourrait appeler la contingence dans l'histoire, l'inattendu, l'imprévisible. Alors, la chance ou la malchance, selon le point de vue. Alors, il se trouve qu'à la même, au même moment où Gouzenko fait défection, il y a une délégation de Grande-Bretagne, donc de Britanniques, de fonctionnaires britanniques, qui sont en fait dans une section du renseignement britannique, et ce sont des hauts gradés du renseignement britannique, qui visitent le Canada. Et là, le sous-ministre aux Affaires extérieures, donc un type qui s'appelle Norman Robertson, a l'idée de leur parler de cette histoire, parce que là, on hésite, on ne sait pas trop. Et là, immédiatement, les responsables britanniques en visite au Canada vont leur dire « Mais qu'est-ce que vous attendez? Il faut absolument que vous, d'abord, que vous le protégiez, que vous l'accueillez, enfin, bref, le prendre au sérieux et ne serait-ce que donc de le protéger. » En anglais, ils vont dire « Take him ». Et donc, ça va faire changer un peu. Ça va remonter jusqu'en haut. Oui, c'est ça. Alors là, finalement, ouais. Il va y avoir un changement d'attitude, évidemment, puisque la Grande-Bretagne le dit, ça doit être la chose à faire. Ils se connaissent ça, ces gens-là. Oui, c'est ça. Tout. Encore un petit complexe d'infériorité. Là, nous, on est dans les ligues mineures, mais là, les joueurs des ligues majeures nous ont dit que c'est ça qu'il fallait faire. Donc, Take him, on le prend. On le prend, voilà, c'est ça. Il va y avoir 5 mois qui vont passer entre le moment où Gouzenko fait défection et le moment où l'histoire va être révélée publiquement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long? Révéler l'histoire? Ouais. Je suppose, faudrait voir les documents internes du gouvernement, mais je suppose qu'on voulait pas, on n'est pas encore dans la guerre froide. Hein? L'URSS est encore un allié qui officiellement coopère, etc. Donc, Ottawa fait ses recherches au fond aussi. Oui, évidemment. À partir des informations que leur donne Gouzenko, on vérifie. Là. Oui, c'est ça. Il y a deux équipes qui vont venir, une des États-Unis, une de Grande-Bretagne, parce que comme je vous disais, il y avait des ramifications aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et donc, évidemment, on met les pièces du puzzle en place, mais assez rapidement. On se rend compte très rapidement, en fait, que tout ça est très sérieux, que Gouzenko n'est pas du tout un menteur, que ses documents sont authentiques, etc. Et qu'effectivement, il y a des réseaux d'espions au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et évidemment, les Russes s'intéressaient particulièrement à l'arme atomique, aux recherches atomiques, ce genre de choses, qui se faisaient entre autres au Canada. Et il y aura un grand coup d'éclat qui participera au fait que cette histoire va devenir publique, c'est que Ottawa va réagir, on va procéder à une série d'arrestations à un moment donné. Qui est-ce qu'on va arrêter? On va arrêter entre autres un député fédéral, Fred Rosenberg, député à Montréal, si je me souviens bien. Et Rosenberg, en fait, est assez une bonne représentation des militants d'extrême-gauche qui, au fond, sont prêts à tout faire pour le triomphe de la cause communiste et qui sont prêts à livrer de l'information d'autres pays, finalement. On va découvrir qu'il y avait des espions aussi dans le Haut Commissariat britannique, aux Affaires extérieures. Donc on va découvrir que l'URSS avait des pions, en fait. Qui sont ces gens-là? C'est toujours la même chose. Ce sont des gens qui paraissent comme de très bons citoyens canadiens, honnêtes, qui font leur travail, qui ont gravi les échelons dans leurs organisations respectives, mais qui, en réalité, sont à la solde de Moscou et qui transmettent secrètement des informations quand ils en ont à Moscou. Et l'affaire va être importante. Ça va même déboucher sur la création d'une commission d'enquête. Là. Il y aurait des témoins. On veut vraiment savoir ce qui se passe chez nous. Oui, en fait, c'est que quand l'affaire est révélée, là, le gouvernement doit montrer qu'il réagit. Donc, l'affaire est révélée, comme vous le disiez, donc quelques mois plus tard, au début de 1946, par les médias américains. Et c'est là que le gouvernement va créer une espèce de commission qui est présidée par deux juges de la Cour suprême. Et là, on veut voir, on veut l'ampleur. Et là, il va y avoir, parmi les choses qui vont être décidées, on va renforcer la sécurité au niveau du gouvernement avec un classement plus adéquat des documents, de l'information. Avant, c'était un peu, là, un peu... il n'y avait pas de règles très précises. C'était un peu... Un fonctionnaire assez ordinaire pouvait avoir accès à l'information classée, peut-être confidentielle, secret, voire peut-être même... Peut-être pas top secret, je ne sais pas. Mais bref, c'était beaucoup moins... Il y avait pas de c'était pas très bien organisé là, au niveau des règles de sécurité pour de l'information sensible. Et donc, on va se rendre compte qu'il y a un besoin dans l'appareil fédéral, dans l'armée également, pour vraiment resserrer... les normes de sécurité concernant l'information. Un dernier extrait qui va vous intéresser, j'en suis sûr, Frédéric Bastien, le Louis Saint-Laurent, qui sera premier ministre, mais qui à l'époque est ministre de la Justice, qui donne une entrevue en janvier 62 au journaliste Jean Pelletier. Au fond, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y avait dans les révélations de Gouzenko quelque chose d'important, de l'information sensible? En fait, ce que nous avons su avoir été transmis par... ce rayon d'espionnage à Moscou aurait pu être obtenu en le demandant ouvertement. Par écrit, tout simplement. Par écrit. Par n'importe quel citoyen? Par n'importe quel citoyen. Il n'y avait pas de véritable secret dans ce que nous avons constaté avoir été livré. Avec le recul, Frédéric Bastien, c'est un politicien qui essaie de minimiser l'affaire ou si effectivement il n'y avait pas de quoi écrire à sa mère, passez-moi l'expression, dans ses révélations Gouzenko? Ben, j'ai tendance à être un peu sceptique parce que d'abord, par exemple, l'arme atomique, Staline a appris l'arme atomique, l'existence de la bombe atomique avant qu'elle soit utilisée. C'est juste qu'il n'a pas pris ça au sérieux. Là. Ça, c'est une autre question. Mais ses espions lui ont bien rapporté l'information. Et donc, les réseaux que les Russes avaient au Canada, aux États-Unis, ont certainement joué un rôle. Et là où je suis vraiment, alors là, particulièrement en désaccord avec M. Saint-Laurent, c'est que, tu sais, il faudrait voir effectivement, est-ce que, quelle information précise a été livrée grâce à ce réseau-là en particulier, mais c'est que le réseau a été démantelé après. Il y a des gens qui ont été arrêtés, il y a des gens qui ont été condamnés. Alors... ça, ne serait-ce que ça... C'est qu'il y avait quelque chose de substantiel. Oui, mais c'est que ces gens-là, à la limite, admettons que c'est vrai qu'ils n'ont pas livré des informations incroyablement intéressantes ou secrètes, mais c'est que ces gens-là étaient en train de faire leur travail, livrer l'information, et là, ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés. On a démantelé quand même un réseau d'espionnage. C'est quand même... C'est pas rien. Je veux dire, c'est pas rien. Là. Alors, je suis un peu surpris de la réaction de M. Saint-Laurent. Ça, c'est le moins que je puisse dire. Il va devenir quoi? Qu'est-ce qui va devenir notre bon ami Igor Gouzenko à la suite de cette affaire-là? Ben, il va passer sa vie dans le reste du Canada, toujours dans la crainte d'être assassiné, même après la mort de Staline, même après que la guerre froide va demeurer, mais peut-être devenir un peu moins tendue qu'elle l'aurait été à l'époque de Staline. Et il va parfois donner des entrevues, il va mener une vie un peu recluse. Il va donner des entrevues de temps à autre à la télévision notamment, où il va apparaître vêtu d'une une espèce de cagoule avec on lui voit juste les yeux, donc il craignait vraiment pour sa vie. Et donc il va rester ici dans une vie, c'est ça, recluse jusqu'à ce qu'il décède en 1982. Histoire fascinante, vraiment. Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.